Chapitre 21. Dutilleul gagna son bureau, déposa ses affaires et alla se laver les mains. Il venait juste de s'asseoir quand le téléphone sonna. C'était Gravard. « Ton assistante m'a dit que tu voulais me voir. » C'était tout à fait lui, cette entrée en matière sans fioritures inutiles. Gravard ne s'embarrassait pas de préliminaires. Les formules de politesse lui semblaient superflues. Avec Gravard, son interlocuteur avait l'impression de reprendre une conversation entamée la veille. Le ton, pourtant, n'était pas impoli. Nulle exaspération n'était perceptible. Dutilleul choisit de se comporter de la même façon. « Tu as 5 minutes ? Je peux les prendre. »« Merci, je t'attends. » Gravard ne fut pas long à arriver. C'était un homme de taille moyenne, assez sec, avec le cheveu encore bien noir, qui fumait comme un pompier. L'homme aimait incontestablement l'action. Blouson en cuir marron, jean et basket. Dutilleul ne l'avait pas vu une seule fois en costume. Les deux hommes échangèrent toutefois un salut cordial et Gravard s'assit. Ce fut lui qui entama la conversation. « Castex m'a dit qu'il t'a confié l'enquête sur la gamine, » dit Gravard sans l'ombre d'une animosité. « Oui, » répondit Dutilleul, « j'ai lu ton rapport. Tu es parvenu à me décrypter avec quelques efforts. » Gravard eut alors un sourire. « Tu sais, l'écriture et moi, peu importe. Ce n'est pas vraiment de cela dont je voulais te parler. Pourquoi tu écartais d'entrée les amis de Marion Chardy de la liste des suspects ?»« Parce que je pensais qu'il n'y avait rien à trouver de ce côté-là. Tu les as rencontrés ?»« Non. Tu sais, moi, les filles à papa. Mais de toute façon, il me semblait que ça ne cadrait pas avec le meurtre. Qu'est-ce qui te fait dire cela ?»« Mon pif. Uniquement mon pif. Tu me répondras, et tu auras raison, » que c'est un peu court. Mais c'est comme ça. Pour moi, ces gosses de Richard n'ont rien à y voir. As-tu entendu une certaine Aurore Fèvre ? Non. Tu sais, je disposais vraiment de très peu de temps et j'avoue que je n'y ai certainement pas porté toute l'attention nécessaire. Mais que veux-tu ? J'étais en même temps sur une très grosse affaire de cam, puis ce genre de dossier. Pourtant, tu ne t'es pas mal débrouillé. Gravard eut l'air sincèrement surpris. Tu penses vraiment ce que tu dis ? De la part d'une huile comme toi. Une huile, tout de suite, les grands mots. Pour le temps dont tu disposais, je trouve que tu as fait du bon boulot. À moi de creuser davantage. Gravard parut soulagé et se détendit. Le compliment de Dutilleul lui allait droit au cœur. Tu en penses quoi, toi, Dutilleul ? Tu as vu Vérel ? Oui, et je l'ai trouvé à la hauteur de sa réputation. Il aimait sincèrement Marion Chardy. C'est un mec bien. J'avais déjà eu l'occasion de le croiser 2-3 fois auparavant. C'est un pro, quelqu'un de fiable, pas verru pour 2 sous. T'as vu la femme de ménage ? Oui. J'avoue que je n'ai pas été très bon sur ce coup-là. Je ne suis pas parvenu à lui soutirer grand-chose. Elle était encore sous le choc. Tu as vu Mousseron ? Difficile de faire autrement. Qu'est-ce que cela a donné ? Tu ne le mentionnes pas dans ton rapport. Je préfère t'en laisser la surprise. De toute façon, cela ne lui fera pas de mal d'être à nouveau sur le grill. En tout cas, du moins à ce que j'ai cru comprendre, il n'a pas l'air d'être très apprécié. Il est assez particulier dans son genre. Il faut le rencontrer pour comprendre. Parfois, les mots seuls ne suffisent pas. C'est, disons, un ensemble. Je ne peux vraiment pas me montrer plus précis. Ce n'est pas grave. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, à moi de combler les trous. Je te remercie pour le temps que tu m'as accordé. De rien. Entre collègues. Mais puisque tu en as, s'il te plaît, trouve-le, cet enfant de salaud. Parce que j'ai vu des horreurs, mais là, ça se rapprochait vraiment de ce que j'ai vu de pire. Crois bien que je vais m'y employer.